إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons commencer une série de quelques cours pour cette période estivale destinée en priorité à nos frères des îles de l'océan Indien et plus généralement pour tous nos frères francophones qui nous écoutent dans le monde. Nous avons décidé de faire une étude résumé de l'épître des trois fondements, ou bien des trois principes de base de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. L'objectif de cette étude est, pour ceux qui ne l'ont jamais étudié, d'avoir une connaissance générale des points cités dans cette épître, et pour ceux qui l'ont déjà étudié, de réviser les connaissances qu'ils ont déjà acquises, et aussi de raffermir certaines connaissances et sûrement apprendre de nouvelles choses, car le musulman ne cesse d'apprendre même s'il étudie le même épître plusieurs fois. Parfois, il se peut même qu'il avait été insouciant sur certains aspects ou certaines paroles de cet épître, ou bien qu'il n'en avait saisi que une partie ou un aspect et qu'il n'avait pas englobé la compréhension des sujets dont il traite. Sans plus attendre, nous commençons donc cette épître du Cheikh et l'Imam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, qui commence par la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Cela, pour tous les écrits, c'est une sunna selon l'unanimité des savants. Il fait partie des politesses et des bienséances de l'écriture de commencer par la basmala, puis par la louange à Allah, puis par les salutations et les éloges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces trois points que l'on a cités font partie des bienséances, des règles de bienséance dans l'écriture des épîtres ou des livres selon l'unanimité des savants. Il a nommé cette épître les trois fondements que l'on va voir juste après quelques points d'introduction qu'il va citer avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Il dit, rahimahullah, dans le sens « Sache qu'Allah te fasse miséricorde », qu'il nous est nécessaire de connaître quatre points. Ces points dont le cheikh parle doivent être appris des croyants et croyantes, petits et grands. Le premier point, la connaissance, qui consiste à connaître Allah. Donc tout musulman doit s'instruire et chercher à comprendre afin de connaître et d'être convaincu de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, celle pour laquelle il a été créé. Ce savoir, c'est la connaissance avec des preuves. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de l'islam, tout ceci avec des preuves. Voici le premier point, que le serviteur d'Allah cherche à comprendre qui est son Seigneur et qu'il sache que son Seigneur est le Créateur, celui qui l'a créé, pourvu, comblé de bienfaits, et qu'il a créé d'autres avant lui, et créera d'autres après lui, qu'il est le Seigneur des mondes, et qu'il est le seul et vrai Dieu, et que nul autre que lui ne mérite l'adoration, et ce de manière absolue. Ni ange rapproché, ni prophète envoyé, ni djinn, ni homme, ni statue, ni toute autre créature. L'adoration est un droit qui n'est réservé qu'à Allah seul. Il est le Dieu légitime puisqu'il est celui qui mérite qu'on lui voue adoration. Il est le Seigneur des mondes, il est ton Seigneur, ton Créateur et ton Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu apprendras ce premier point qui consiste à prendre connaissance de ton Seigneur, ton prophète ainsi que de ta religion. Ceci doit se faire à l'appui des preuves, c'est-à-dire Allah a dit ou bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et non pas selon l'avis ou la parole d'un tel ou d'un tel, mais plutôt avec des preuves puisées du Coran, c'est-à-dire les versets du Coran, et de la Sunna, c'est-à-dire les hadiths authentiques. Ainsi est la religion de l'islam, celle qu'il t'est ordonné d'adopter et à laquelle il faut adhérer, c'est l'adoration d'Allah au sujet de laquelle il a dit subhanahu wa ta'ala « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration citée dans le verset est l'islam. C'est l'obéissance à Allah et à son messager, la mise en application des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et le délaissement de ses interdits. Allah nous a également ordonné de l'adorer dans sa parole « Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum » Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, c'est-à-dire adorez-le en obéissant à ses ordres, en évitant ses interdits, en vous soumettant totalement à lui et en vouant le culte à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Donc le premier point à connaître, c'est la connaissance d'Allah, puis la connaissance de son prophète, et à connaître la religion de l'islam avec des preuves à l'appui. Donc parmi les points qu'il est nécessaire de savoir, on retrouve la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui est Mohammed ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, le descendant de Hashim, le Qurashi, le Mekwa, qui fut ensuite Médinois, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il s'agit là de savoir qu'il est un prophète et qu'Allah l'a envoyé à toi avec la religion de vérité pour qu'il t'enseigne et te guide. Ceci implique de croire avec certitude qu'il est le messager d'Allah, envoyé au monde entier, qu'il soit djinn ou homme, et qu'il est obligatoire de le suivre et d'emprunter sa voie. Ceci sera expliqué en détail lorsque l'on traitera du troisième fondement. Donc là, on parle toujours des quatre points qu'il est nécessaire de connaître. Donc la première, c'est la connaissance. Donc connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec des preuves à l'appui. Le deuxième point des quatre points essentiels à connaître, c'est la mise en pratique de ces connaissances. Ce deuxième point signifie que tu dois mettre cette religion en application, car c'est pour celle-ci que tu as été créé. Ainsi, il te faut d'abord connaître, puis mettre en application en adorant Allah seul, en accomplissant la salat, en s'acquittant de la zakat, en jeûnant le mois de Ramadan, en effectuant le pèlerinage à la maison sacrée, en croyant en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour du jugement dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais, en ordonnant le bien, en réprimant le mal, en faisant preuve de bonté envers les parents, en entretenant les liens familiaux. Tu dois appliquer ce qu'Allah t'a ordonné et délaisser tout ce qu'il t'a interdit. Le troisième point, parmi les quatre points qu'il est essentiel à connaître, c'est la propagation de ses connaissances. Cela signifie qu'il faut appeler les gens à cette religion en leur conseillant de s'y attacher, en leur indiquant et en leur ordonnant le bien tout en leur interdisant le blâmable. C'est ainsi que l'on appelle à l'islam. Tout musulman doit propager sa religion selon ses capacités et son degré de connaissance. En effet, chacun, qu'il soit un homme ou une femme, a une part de responsabilité dans cette obligation communautaire et collective qui est le fait de propager et d'appeler à l'islam, d'orienter et de conseiller les gens. En outre, le musulman doit appeler les autres à l'unicité d'Allah, à accomplir la salat assidûment, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan, à se rendre au pèlerinage pour celui qui en a la possibilité, à manifester de la bonté aux parents, à entretenir les liens de parenté et à délaisser tout péché. Le quatrième point essentiel, c'est la patience et l'endurance dans la persécution et les préjudices qui peuvent en résulter. En effet, cela consiste à faire preuve de patience face aux préjudices qui résultent de toutes ces choses. Il arrive régulièrement qu'une personne subisse des troubles de la part des personnes auxquelles il prêche ou bien de la part d'autres personnes. Il est donc nécessaire de patienter et de rechercher en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant endure dans sa foi en Allah, dans l'application des actes qu'il lui a ordonnés, dans le délaissement de ceux qu'il lui a interdits. Aussi, il patiente dans l'appel à Allah, dans l'enseignement, dans le commandement du bien, dans l'interdiction du blâmable. Il faut donc faire preuve d'endurance envers et contre toutes ces choses, car la religion, dans son intégralité, exige et nécessite de la patience. Par ailleurs, il est nécessaire de patienter dans le fait de se tenir à l'écart des péchés et des mauvais actes, en prenant garde de s'en approcher. De fait, si on ne patiente pas, on tombe dans ce qu'Allah a interdit, ou alors on se met à délaisser ce qu'il a rendu obligatoire. C'est à cet effet qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son messager: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Et il a dit: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Et il a dit: Subhana, wasbir wa ma sabruka illa billah. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Et il a dit: Subhana, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Seuls les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et il a dit: Subhana, wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Et soyez endurants, car Allah est certes avec les endurants. Tout ceci veut dire qu'il faut patienter en obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, en délaissant les péchés et prendre garde de ne pas aller à l'encontre de ses ordres ni commettre ses interdits. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite et dit: la preuve à ce sujet est sa parole: wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'homme est certes voué à la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Donc, on voit ici que le cheikh cite la justification et la preuve de ces quatre points essentiels traités précédemment. Cette sourate grandiose en est la preuve. Elle englobe la religion tout entière. En effet, la religion n'est que croyance, acte, prêche et patience. La religion n'est que croyance, acte, prêche et patience. Autrement dit, elle consiste à croire en la vérité, la mettre en application, la propager et endurer les préjudices qui peuvent en résulter. En clair, l'humanité tout entière est en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. Ceux-là auront le succès et seront les bienheureux. Allah tabarak wa ta'ala a juré à ce propos en disant « par le temps ». Or, il est évident qu'il subhanahu wa ta'ala dit toujours la vérité, sans même avoir besoin de jurer. Mais il l'a fait pour souligner l'importance de ce sujet. Allah ta'ala jure par n'importe laquelle de ses créatures et personne ne peut l'en empêcher et seul Allah peut jurer par ses créatures. Il a juré subhanahu wa ta'ala dans d'autres sourates par le ciel aux constellations, par le ciel et l'astre nocturne, par le jour montant, par le soleil et sa clarté, par la nuit lorsqu'elle enveloppe tout, par les anges qui arrachent les âmes des mécréants et ainsi de suite. Pour montrer la grandeur de ses créatures et par conséquent démontrer son immensité et son unicité et prouver que c'est lui seul qui doit être adoré, subhanahu wa ta'ala. En revanche, les créatures n'ont le droit de jurer que par leur Seigneur. Il leur est strictement interdit de jurer par les prophètes, les statues, les vertueux, la Kaaba ou toute autre créature. Ceci est le devoir du musulman car le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit « Quiconque jure par autre qu'Allah a certes associé. » Et il a dit aussi « Quiconque veut jurer, qu'il jure par Allah ou bien qu'il se taise. » Que le musulman et la musulmane prennent donc garde de ne jurer que par Allah et qu'ils prennent garde de ne jamais jurer par un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et que leurs promesses ne se fassent uniquement et leurs vœux ne se fassent que par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, Al-Shafi'i, rahimahullah, a dit, si Allah n'avait révélé que cette sourate comme argument contre ses créatures, elle leur aurait été suffisante. Il s'agit du célèbre imam, l'un des savants éminents de l'islam, qui fait partie des quatre jurisconsultes reconnus par la communauté musulmane, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi, né en l'an 150 de l'Hégire et décédé en l'an 204 de l'Hégire. Dans une autre version, dans une autre variante, l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit « Si les gens réfléchissaient sur cette sourate, elle leur suffirait. » Autrement dit, s'il s'était arrêté dessus et l'avait médité, elle aurait suffi pour les forcer à suivre la vérité, exécuter ce qu'Allah leur a ordonné et délaisser ce qu'il leur a interdit. Car Allah tabaraka wa ta'ala n'épargnera que ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et la patience. Ce sont eux les gagnants, tandis que les autres courent à leur perte. Par ailleurs, cette sourate souligne l'obligation de se conseiller mutuellement, de vouloir le bien pour autrui, de croire, de patienter et d'être sincère. En résumé, le bonheur ne sera atteint que par l'intermédiaire de ces quatre caractéristiques, la foi sincère en Allah et son messager, les actes de bienfaisance, l'exhortation mutuelle à suivre la vérité et l'exhortation mutuelle à se montrer patient. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Notre prochain rendez-vous est dimanche à 19h à la même heure. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.